بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والأخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قطب العارفين والمصدقين أبي عباس أحمد بن محمد التجاري وخلفاء المرسلين وذي طريقة الفائزين أما بعد قال السيد الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه عن النبي في الفضل الحادي والثلاث من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وفي الإبليس أيضا وسمعته رضي الله تعالى عنه يقول إني رأيت سيدنا إبراهيم الخليل الرحمن على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يطلب الدعاء الصالح من سيدي منصور رضي الله تعالى عنه إلى آخره كن في جتاي بي ويسو وخون نان ني خن نون لا ولي وا ان ديوان عارف بالله مبي رضي الله عنه دي داسي اك يانتي بي صلى الله عليه وسلم يانتي بي صلى الله عليه وسلم نيو بيم في نيو يوي fek li tax mu indi histoire bi moy daf doon wax ne kuy weddi ne dañu gis yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci xal bu wok rek melaw vraiment c'est parce que da nga xamul xal wa di wone sino bo xamul sen xal bi nga xamne dañu gis yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci dina law lool moy xal wa di wone bi ñom dañ koy gis da fay ñew de temps en temps mu ñew fa lool nak motax cheikh bi doon wax ne wa tariqa bi ñom am nañ lo xamne wa diwan bi amuñu moy wa tariqa bi bis bu jot dañuy taw jotay yeen ci saasam te wa diwan bi de temps en temps rek la ñu am lool wa alhamdullilah deng mo na fi ibrizi ci ايضاً باتاي موي شيخ احمد بن مبارك رحمه الله وسمعته دغناكو مومو نه دغناكو مانام ميتي نام موم شيخ عبد العزيز الدباخ رضي الله جرم الله بر الله تعالى ديغا جامي جيم يقول من اني نغا من رايتو غيسنا سيدنا سونو سانغو ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن كيغا خا من موي خريطو يالله خالدو ادي فاس دالو دير من سبحانه وتعالى ala nabiyina yalla nek ci sunu yant wa alayhi ta yalla nek ci mom afdalu salat gën ja maggi julli wa salam ak selmul gën ja selmi selmul wala fi gis nga utiliser le terme bu ya nabiyina wa alayhi afdalu salat wa salam okay dang mom neena gis na sayyid ibrahim sayyidna ibrahim alayhi salatu salam yatlubu muy sa ko du'a anyan as-salih bu rafet bu bax min sayyidi ci sama sango mansour min sayyidi mansour radiyallahu ta'ala radiyallahu gërmal allah bu riyal ta'ala diga jaanu ci mom manam sayyid mansour bi radiyallahu an mo nekkon qutbu zaman jamono ci ñom cheikh abdass daba radiyallahu cheikh abdass daba radiyallahu demon nekkon na ci diwar bi nekkon fa membre ni mais nekkul qutbu bi legui sayyidi mansour bi mo nekkon qutbu bi jamono joy wala legui nak mom lay wax ne gis nako c'est que mom bimu fa joge mom Seydou Mansour bi serignum la serigne cheikh abdass dabakh la tamit radiyallahu anhu comme parmi tant d'autres mais bokku na ci serigne yi nga xamné ci la gëna jarino ci ñom wa légui nak mom bimu ko manam mo ne bam nekké ci diwan bi kon manam xam nga cheikh ahmad ibn mubarak rahimahullah dafa and ak serigne bi radiyallahu anhu fekk serigne bi nekku won ko Raf billah la bu bokkon ci diwan bi mi nekul won ko dubbi ci la ko gisse nek ak mom tout ça xamna lolu mais après ci la yig nak nek bu mu xamne nek na ko gotale voilà après mais limuy bind ci téré bi daf koy day dafa retracer mom de toute façon même bimu tassé ak mom mi and ak xamna ni du khutbu yeb mais xamone na tamit kan mo nek ko khutbu bi jamono jojo mom mom and ak ñoom ñaar ñoo doon and gisoon nañ ci benn jotaay benn passage fimu doon waxe naan biñu andé ci benn tool ni bam nan ko ginnaw tool ni fofu la Seydou Mansour dekk est ce que bëgg nga dem gisi juko mu na ah waaw dem gisi khutbu bi kay lool dama ci contane muneko man day bu may bu yalla bindon temer manam ño xamantene yeena bok papa ak yaay yeena bok nday ak bay ngeen nek temer ñepp am li nga am wala ñu upp ko manam ñu am lu gën fu temer yon li nga am man duma len xol man dama lay yow kesse lay xol ya amu len gënal ndax yo xamna yalla yow la mu seddé néna ma yow ci sama nelaw gi ma nekk won est-ce que ki wax bi nga wax fi jangé na ci lu am solo moy serigne des fois soxla wul am 150 talibé bo xolé cheikh abdourazis abdaba de la tarbe ibn mubarak alam ti rek ngay deg waaw danaka waaw mom pourtant gëna ragné té pourtant mom fek nek na nit ko xamni ni quand même nit yalla bo xamni ni ñu bëri xam nañ ko parce que talibé mi tamit effectivement exactement c'est à dire am kenn motax gis nga leen la serigne ci dañ koy def nit yalla dañ koy def wala borom ko xam yu mat yi dañ koy def dañuy xamne amna kenn ko xamantene kokku mom mën nañ konté ci mom ñu concentrer sen doole yépp ci kokku effort sen effort yépp ñu concentrer ci kokku parce que même en matière de collaboration ni nga mëna jëfleunté liggéey do defa do ben affaire ak ko xamné au moins kenn la mais kokku mom woor na mo ko djummi ñoo xamantene en réalité lañ lay tardel ne sont pas fiables wala mais nga nek kenn kess ko xamantene mom affaire yitel lako ñor nako akina bëgg na affaire yi avance tangam li ci li nga nek lolu ñor nako ngeen and ci yoon bobu nga konté ci kenn nit kess mo gën nga konté ci jooni nit ño xamantene en réalité mo tax mbolo mu bari amu solo té bo xolé nit yalla yu ci ëpp lu ci bëré bëré duñu faral di bari ay mbolo yu bari leen top ñu ci ëpp dañuy am ay quelques personnes bari wuñ dara mais ñoñu nonu lu ñu tuti dañuy taxawal mbolo mu bare xolal ñaata serigne ño am ay junni talibé bo yo xamné ñom seen bop xamatu ñu ñaata talibé lañ ñom ci seen bop mënatu ñu wax né nangami talibé la am té pourtant seen liggéey même bouré dañuy liggéey ni sax dara avancé wu ci defuñu dara en réalité manam mbolo bari bo sax bo gu xolé galancor la gëna doon pour ñom non seulement ci walu diiné ci walu xam xam ci walu selata ñom lu bari galancor sax lan la nekk ci ñom liggéey dara yi diiné ji manam ñom sax buñ bëggee liggéeyal diiné ji amuñu ku leen ko téyil ko xamantene dinañ mëna nit manam dina mëna téyé drapeau bi pour ñom seen liggéey mëna avancé nga gis ko xamantene mom kenn lay am wala ñaar wala ñett ñoñu rek la am nak mais ñoñu mom mëna konté ci ñom parce que dinañ ko téyel xam xamam dinañ ko téyel limuy jangalé ci wilaya ci cielaté ci maarifa hein té buñu téggé touti jamono rek ñom seen liggéey bobu ñu défar ko ñu avancer ko xolal ci sir ahmed bi radiyallahu anhu sir ahmed ibn mubarak radiyallahu anhu xol ko mom bo xolé cheikh abdou zaba da naka ci mom à travers mom rek lañ ko xamé manam budul won mom Cheikh Abdas da Bakra de Yalam à travers les siècles kenn bo xamné amna kenn bo xamné nit ko existé xolal nit yalla bu tolo ni mu naron dem nonu sans kenn xam ay birum lool mo motax leg amna yu bare bare motax nak nit ki tawil wara sincère wara am la sincère gis nga bu sincère yalla rek tax muy wax yalla rek tax muy def yalla rek tax muy saxoxom et cetera bu mu préoccupé wu ci nan lay fan la yalla jaarale djel bi mi djel xam xam han yeggale ko ci ñu ci dess tassara ko lool bu mu ci préoccupé wu parce que mu bëgg ko ak mu bañ ko yalla dafa ko def bu ne yalla daf ko boole ci ñinga xamantene ñoom ci groupe bobu la len boole parce que amna ñoo xam tamit yalla boole wu len ci loolu da len boole rek ñi nga xamne xeyna dañu ki ba dañu ki dem manam la patte et cetera comme ni ko dundé ci jotay bi yes non la mais nak dafa am ño xamné sa borom xana taala xeyna dafa nam ñom tamit ñu bok ci ñi ñi diiné ji yéssé yéssal manam ñi nga xamné tamit ñom ñoy bésalat diiné ji ci sen jamono ci sen génération yi ñoo ñu nak bu la yalla bolé ci ñoo ñu de façon bolé na la ci yow fexel ba sa yéene na sel nga sakku xam xam bi ngir yalla di jaamu yalla ngir yalla bu préoccupé wu nan la ya parce que lolu affaire yalla la moy xol lu muy def ba jeeruko tassara nga bëgg ko ak nga bañ ko yalla mum dara ko def nga bëgg ko ak nga bañ ko yalla dara ko def fim ko jaaral yo sax do ko xam do ko sax maîtriser doko sax maîtriser mais su fekente ne lolou yep amul defo ci yitte defo ci de toute façon après de en fait yow de toute façon do même ci walu zahir ni sax waxuma la affaire li neubutu sax ci souf mais ci walu zahir ni sax yow da nga dul am lu exceptionnel luy tax sa xam xam wara mëna tassaro par rapport ak kenen ku dul yow même ci walu zahir oh voilà ci walu batin nak hein motax yene bi mom mo am solo fala ma ibrahim alayhi assalam bin bin wa azim min fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tuna min kulli fajjin amiq borom subhanahu wa ta'ala dan ko wote rek hajj mo gis nga wote wo wote rek yalla moy jotali te ci taw tundu la taxaw fo xam tane ken niw mu wote ba legi gaay ni wuy ji Allahu akbar na benen bir mu tane moy xol sax abdul dabah radiyallahu anhu yalla rek ko yitté lool mu nek jaam ko to yalla ko xamne yalla moko soxal ci taraf xeyna ay nit ñi top nañ ko top ñu ko lool yitté lu ko mais xolal tay ji cheikh abdul dabah radiyallahu anhu incontournable la ci xam xamu tasawuf incontournable et pourtant bi ñuy dund ben nit mën nañ ni mom mo amon na yeneen talibé amon na yeneen mais dañu bari won parce que bo gisee cheikh ahmad ibn mubarak rahmalahu ni waxe li nga xamne amon na yeneen talibé parce que da nan amna kenn ci ci mbokk yi ko xamne nangam amna kenn li nga xamne amon na ay talibé mais dañu bari wul won tay bo xolé xolal cheikh bi radiyallahu anhu da ngay gis ne mom ay talibé tamit bari wul bo xolé da ngay gis ne bari wul ñaa ay voilà vraiment té pourtant mais comme que xam nga nit buy woté ci yoonu yalla li ki ngir yalla tout ça mais da ngay gis par lo xamantene mom sax affaire bi duñu man da ngay gis ne mom daanaka ki mënu ñu né mom def na ci daanaka dara lo xamné lu zahir la ni lu zahir la wax waaw lo xamantene ya koy presser bu baax te waaw waaw comprendre nga ko wax voilà lu feen wax ñu neub waaw lo xamantene pourtant mom moy tax manam da ngay gis aduna bi yepp di xam mom moy kan di ki sans mom mu defal bopam publicité sans mom mu defal bopam publicité te pourtant bu len fogné affaire bi dafa jek jek rek mu melni de dafa jaar ci ay jaar jaar yu bari leug leug buy wax la sax dang koy comprendre wala bu gaay yi mu nekkal non di wax da ngay comprendre ne dafa top dafa am jamono yu difficile yu difficile yo xam tane mom la traverser même ci qasida yi ngay gis ci Seydi Ayman Jibril ni da ngay gis han mom tamit buy wax da ngay gis ne dama dal wuy mom dal muñ kat bu mak la ki la manam genre yoy non waaw tout temps nat yi dañuy dal ci kawam mais da ngay gis ku meuna muñ la nga gis ni muy waxe non ak ni mu ci insister ci ngay xamé ni manam amna ay jaar jaar yu metti te même ay histoire zewuy bi histoire yoy yeb da nga koy gis ak même mom ci bopam te epi tamit affaire bi nekul comme ñun ñu ko meuna imaginer ni tay da xamne dañ nan way gaay dañ nan dafa ñew rek comme ab shérif le defar jëw yi gaay ni ñew ta tabarakallah shérif baangi shérif lu non ay dama may jaar jaar giso comme nim doon nekk ni mom ci bopom day ñew ci jëw yi top ça fait des années top mom rek moy top pour xamar Allah imagine lool hein voilà yuyep ay ja yuyep affaire yi lool la mais nak nit ki li ëpp solo moy nga gëm mais dama li dama ko def ngir jaamu yalla keu mu nekk kenn kessa man ma nekk kenn wala ñu nekk jurmi ñoyam parce que yalla mi nga xamantene moy sepp xol yi mi ngi sepp sama xol te xamna ci li ma nekk dal ko ñu nekk jurmi wala mu nekk kenn ben c'est vrai que dafa jafé nga and ak même xamaasa gi manam ciowarke gi même engouement bi nga and ak mom bo nekké kenn te bo le nekké djummi parce que loléne di gën di bari ñeñ ñi dañuy joxanté doolé ñi ci dess waaw dañuy encourageranté dañuy ki wote ba paré voilà mais le fait que parce que même jeru bi waxom ñu wax la dé la comme même dofa ni zikar non triste parce que mom kessel xam nga lolu manam seigneur c'est des nitu yalla yu mag non lay dal voilà da ngay gis ne voilà et puis tamit le fait que mu soxla di net ni par exemple genre yoy non fek nit ñi ñoo comme aduna bi parce que nga xamne nit ñi ñew bari wu ñoo hein yoy non mais en tout cas li am solo moy ne nitu yalla kenn duko naté ci nangami talibé la yor langue dede lool boko naté fofu man kay comprendre parce que il me voir ak alam ti rek dégg voilà voilà même boko lé sé bi ci version français da à travers les siècles à travers téré tasawuf yi musul gis ku netalé numa amé fatkhu musko gissé la première fois mu giss fatkhu ñu expliquer ko d'une façon aussi détaillée que Cheikh Abdul Aziz Daba en table néna musuko giss néna musul ab non ba paré sax Ibris c'est Cheikh Abdul Aziz Daba radhiyallahu anhu expliquer ak non mais même boudul affaire fatkhu kessé mais yenen masail yi nga xamantene nit ñi dañ ko soxla d'une manière aussi simple aussi accessible ak ni mi tafsir ay ay ak ni mi léralé hadith ak ni muy lijeunte yenn masala yi mais lolu mais à travers les siècles mais kenn mosu ko def non c'est que xam nga tamit lolu dafa remarquable mais dafa remarquable dafa nek lo xamne mais lolu jaru de montrer en fait c'est une évidence manam dafa kimane nim ko def voilà mais non as bi expliquer ci mom adam al salam nimu avant ak nimu expliquer ak ay bi ak hadith bi unzila al quran ala sab'ati ahruf non bob mom kessa boko musa ber amul deuxième personne boko def amul deuxième personne mom rek la même cheikh na tidiane radhiyallahu biñ ko laagne dañ ni cheikh abdou zaba wax la non cheikh abdou zaba mom amul deuxième personne bu mel comme mom kenn la ci jabo non ko ke manal xolal sen hadji man radiyallahu anhu xam nga bi alaj abdouaziz bi gane adou radiyallahu anhu mom dañu ñew niko soxna sofietu amna gan manam amna dom fek mu tey ibris diko lire mune waliyu bu tollu ibris ab téré la moy téré bi nga xamné cheikh ahmed ibn mubarak rahmalahu ab talib la ci cheikh abdass dabakh radiyallahu anhu légui nak mom ci bopam mo bind ben téré bo xamné daf ci doon wax jaar jaaru serignum bi cheikh abdass dabakh radiyallahu anhu ak ay wax yu mu déggé ci mom ak ay laat yu ko laat yu ci tontu et cetera légué sen hadima la daan ibris bobu téré bobu la doon lire légui bim koy lire yim gim koy yim ak maggaay yi li nek ci téré bi biñ ne ko soxla sa wétu amna doom mune mom rousna wallu yu bu tollu ni nga xamne question yu bari ci mom la ko gaganté ko rus na di wéfu ki di tuddé kenen xalé bi mu tuddé ko ko waye nuru nako wallahi la Non, la dem bo chapitre bi jeex te tuddul ibriss manam bo xolé rimah li nek ci ibriss danaka daf ko li ci upp ci li agi ci walu talibé walu serigne ci daf ko résumé wat rek jenn manam indi wat motax rimah résumé ibriss sax la gëna jégué ko résumé manam shara ibriss la gëna jégué shara de wax rimah hein tere bu yeme na cheikh abdass dama yalla nako yalla fay gën li fay te non la magge won amna dama faté ban waliyu la le talibé bi waxon comme depuis 2006 ibriss liru ma gis nga mune serigne bi nek talibé bi diko tuddel ko ben waliyu bo xamné bu kawé kawé la mu wax ko maqama yi serigne bobu amé won ñu kawé kawé ñu ri bim paré mu né ko nak mais gis nga sa mbokk mi manam moy mo mbokk gis nga waliyu bobu non bu dundon depuis jamono dim guéné aduna nek ci maqama bobu ba paré bi évoluer sa su né ba yawmal qiyamah du dak sa mbokk mi maqama bimu amé tay ji Allah wa du ko dak té ko xutbu lo won kilifa gu mag la won nangam waxal ko yo wax maqama imam yeb munako way bu dundon bo yo wax xiyama du dab maqama bi sa mbok mi am tay ji dela motax sayyidi mansour kon radiyallahu anhu mom la mom mo nekone sen khutba mom ñom sen jamono jojo legui nak mu ne gis na mom ibrahim alayhi salam di wax ki nako ñaanal di wax sayyid mansour bobu radi Allah nan ko ñaanal wa fi ci ibriss batay deng qala waxna mom cheikh abdass cheikh yaani mangi ci nam manam limi tekki moy mi ngi ci nam cheikhou serignum abdul aziz ibn mas'ud ad-dabbah radiyallahu anhu Allahu ta'ala ta'ala jiko jaru juma muna wa amma ndal man ki nga xamantene ra adu bi gis sayyidul wujudi sang min de sallallahu alayhi wasallam fi manam ci nero fa inna li wer wor moy ru'ya ak gentam gogo tan qasim day khajaru ila qismay jëm ci ñaari xat ku gis yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci gent sa gent gi ñaari xat la manam deux parties le meuna ne soit bi soit be adouma ben bi moy ma lo xamne la tataghayyar du soppeku fi ci mom wa zalika te lolou bi anna bi an mi ci kebu manam mi ngi melni manam mi ngi amé ci anam gi nga xamne yarahu do koy gisa ala halatu ci hal ci melokan alati bi nga xamne kana nekkon mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci bobu le melokan fi dar dunya ci keuruk aduna alati bi nga xamne kana nekkon na ashabat sahaba ay radiyallahu anhum Allahu bur yalla anum ci ñoom yushayiduno mom la doon jakarlo mom sallallahu alayhi wa sallam ci bobu le haa bobu le melokan donc lolu mom moy xal bu jekki bu jekk bi moy kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nga diko gis ko ci xal bi nga xamne tam nit ki day naaw mu gënt yenenbi sallallahu alayhi wa sallam Allah gis ko ci melokan bi nga xamne mom la ko sahaba yi do gis sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam suma top inkana bu fek inkana dem nek na arayi aji gis gi min bok ci alul fath borom fath wala irfan ak xam yalla manam am maarifa wa shudi ak jakarlo biri manam témoignage contemplation manam di voilà wala yani ak djébeb moy di ay djébeb moy di jakarlo ak ñaari beut bu mboké ci manam mais bëti bëtu xol lay wax fa inna li war war moy allazi ki nga xamné raa dafa gis manam limu gis han huwa moy zaatu jëmum ci ash-sharifata bu tedd ba wa in donte la han wa in donte wa in bu fekente na nak voilà manam kon virgule bi fimu ne mo baxul deug nga fi virgule bi nek baxul deug leg kon kon lol mom moy lol c'est que legui legui xal bu ndiek bi mom la ndiek tuddu moy nga gis ko naka ci xal bi ko sahaba ay radhiyallahu anhum daan gisse legui nak bobu tamit dafa xadalo xaj bu ñëk bi moy manam bobu dafa part dañ fa part bobu tam dafa xajalo bu ñëk cadre figure li la moy cadre figure bu ñëk bi moy nit ki nekk bok ci borom fatxe deuxième cadre figure bi moy nit ki bok nekku ci bokul ci borom fatxe cadre figure bi nga xamantene mom moy bu waji bu dafa bok ci borom fatxe yi nekk borom maarifa yalla defal ko leer xol gu reuy gu et cetera borom shuhud iyan et cetera ñono limuy gis kimu gis moy jëmum ji deug deug la gis jëm yenente bi ci bopam sallallahu alaihi wasallam la gis wa in bu fekkene nak lam yakun nekut min at-tahirat ci ñu lat ni manam moy ahlul fath ñu fath fa taratan leg leg takunu mu nek ru'yahu gentam bobu kazalika ni ci non wo wote lolu nak an nadir moy li geul lu tumranke la manam lu rar la lolu leg leg gent yantim sallallahu alayhi wasallam gis ko ci xal bi ko sahabe done gisse radiyallahu anhu exactement même dimu jodu la sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamne dañ koy gis ci gënt ak ci yew amin ba pare diko gis ci dem exactement demum amin sallallahu alayhi wasallam amin amin na deug wa taratan leg leg huwa te li nak al kasir moy lu bare li mom moy li gëna bare moy lan moy yara de gis surata jëm manam melo melo surata melo zati jëmum ji asharifat ku tedd ga yaang de la way du gis ayna fi ayna la dafa ya ayna jëm zati man manam dem gis en son essence en tant que tel du lolou lay gis mais day gis melom manam reflet am comme tay nit ki bu gisse setu xam nga tay nit ki bu tege ni setu ni gis nit ki ni ki ma gis ci setu bi bokku tek ki taxaw mais melom la gis c'est dire que ki ma gis tay bu ma ne seigne djibe ngi ni ñu tek fu setu bi ni mo gis ko mom mu na bëtt gis mako cheikh wi la gis mais mom mais danaka mom la gis parce que melo bi copie conforme bi la lool la c'est à dire que kon yenen ci sallallahu alayhi wasallam bobu nit ko ko di gis gisul jëm ji ni en tant que tal mais lan la gis voilà manam comme comme silhouette wala manam dem wala manam ab demum la gis mais du dem manam du exactement ko manam dem ji nga xamne mom moy di teud madinatul munawwara ala sakina rasulullah sallam parce que dem joju mom mu ñewé won fi sallallahu alayhi wasallam parce que lol tam lu mata baye xel yenenbi sallallahu alayhi wasallam mel demum joju mu ñewé won fi ci aduna wa batin kessé ñoko gisa nitu batini ñokoy mëna gisat mais lu dox ci mbedd mi ci mbedd aduna yi ak jëm joju amandam nit ñi diko gis ak yoy mais sauf que rawhani yam day di intégrer tout temps manam muy nek kuy solo ci rawhani tu ci jëm ki nga xamantene mom tout temps mom moy insanul kamil moy nit ko mat ci jamono de telle sorte que koku reflet yenente bi lay do sallallahu alaihi wasallam koku nak du moy doxal yenente bi sallallahu alaihi wasallam dan doxal yenente bi di agir a travers mom et cetera yaangi de waaw al ghaws motax ngay gis ci diwan bi sax mom bu ghaws bi absenté yenente bi moko remplacer sallallahu alaihi wasallam si yenente bi def président mom du fi nek mom dess xana su layla fa xadra bi ak yoy nga xamne da wara tewé affaire ak yoy ning ce qui fait que yenente bi sallallahu alaihi wasallam day manam ñi xamne mom moy nek xawsu bi day nek comme genre yérim comme melokanam lay doon manam ko xamantene day sol jëm yëneent bi sallallahu alayhi wasallam leg leg nak mu feñ leg leg du feñ leg leg mu nuru ko leg leg du ko nuru mais ci batim mom day ñu nuru deng ci wa zalika te lolou li an da fek na ni zati yi ñen jëm manam lolou nu mëna nek mu wa zalika lolou da fek wa zalika lolé bo gisé mu mëna nek li an da fek na ni zati yi ñen jëm mu mom su yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam at-tahirat kay ajlab suwaran ay melo manam dafa may image yu bari bi ha yo xamné ci melo yoyé yura mom leef koy gisé sallallahu alayhi wasallam fi amakin ci ay beurep kasiratu yu bari fil manami ci nala wa fil yaqzati ak ci yow yaay be yaay ci beurep yu bari ci lañ koy gisé ci nala ak ci yewute wa zalika te bo gisé lolu nak tamit mana nek lolu tamit da nga ñomé lolu mu mana nek mu am ay jëm yu bari yuñ koy gis ci place yu bari nga manam le fait que ñu koy gis ci place yu bari moy waral nit ki mën ko gis mu nek effectivement jëm gisul ji sahaba yi doon gis jëm ji ci bopam leg leg ñu ñu gis ko fekk ndegete image bi nga gis yaay de tay bu ben way feñe ci télé bi dama nan mom la ki ma gis ci télé bi day señ duggal ñu le bo waxe ni mom la djublu mo ci jëm mom la ni lima ci djublu moy image am la yaay de kuy deglu li ni wax na ki may deg muy wax de Mustafa ñu le mais Mustafa mais en réalité du Mustafa parce que yow affaire bi son bi nga deg manam copie wu son bi nga deg copie wu xam nga deg mais deggo ko mom deg ko waxam mais copie wu xam nga deg ha d'ailleurs selon enregistreur bi sax manam li enregistré selon affaire bi sax son bi day changer dëgg voilà même caméra bi parfois bu caméra bi gëna bax di gëna performant image bi gëna net et cetera avec leg nak et ñu image ñu caméra ko paré nit ki gis ko ci wir télé fokk né waji da xess ndegene bo wa lampier rafet yow lampier bax rek hein et cetera mais les contrats du comme ñi xamne dañ cey gis yakhazatan li ñi gis kon man na mu doon zaat exactement mais mu doon sura sura wa mais est-ce que ki kay gis mom dina mëna am ragné ci ndax lim gis lool nak ñoo bari wul lool ñom ñoo bari wul nak ni ko mëna ragné ñom bari wul parce que d'une façon ben la ben la De toute façon, ben là, comme gis ci gentu man nga gis mom la gis et en plus c'est que djum yoy mom djumum bi dafa connecté wu directement ak djum djum mat di nga xamne mo nek Madina donc voilà rafa bi ben la en réalité manam dang lay wax rek mais ni djum ji nekké ni nek ben kessé ñukoy mëna gis ci place yu bari mais sinon même bilan d'accord deng lolou mune tamit lolou bo gisee mu meuna ne daf ni wazalika te lolou bo gisee mu meuna la li anna dama fek ne za han li zaati ñen jëm ngum mom yeren ci bi sallallahu alayhi wasallam nuran ak leer mun fasalan bay aji taqaliko la ana wulif jëm ja qad deug deug yu leer gogi imtala a fese rabbi ci mum al alam aduna bi kullu lepp manam mom dafa am leer go xamantene dafa takalik dafa infasala moy dafa am ben takaliko dafa dafa disc dafa am discontinuité rupture manam nekul ne leer gi mom dafa nek ni leer gi nak jugge ci mom tax tasaro ni mbir mi demewut non mbir mi moy mom jëmmu ji dafa nek ni mais leer gi dafa takaliko ak jëmmu ji kon leer gi ak jëmmu ji manam jëmmu ji ci bopam du moy jëmmi leer bi du moy jëmmi leer bi bokut ak lampe bi nga xamantene tay par exemple lampe bi mom moy tak ni après nga gis noy gëna sori lampe bi lèr bi di gëna touti et cetera wala yu mel non dédé mais mom dafa am lèr go xamantene dafa takaliko ak jëm ji ci bopom mais lèr gogou nak mom mo tassaro fessal aduna bi yépp moy nourika lamel la bi malata bi kawnaka haa'it ram kenatul makani voilà yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy leer yi xamantene mom mo fessal fepp mo matal fepp dugg fepp nga xamne dafa fess dafa leer nañ mais mom la borom subhanahu wa ta'ala fessela nak place ya fuñu meuna ne lu meunti xew même keuy gi leer yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo ci nek moy sirru bi tax mu taxaw meuna taxawé ni meuna mel lu mu mel yor forme bi mu yor yor propriété yi mu yor et cetera sans lolu du won meuna nek le fait que nak mom leram gi tassaro fepp nek fepp fess fepp lolu nak mom moy tax muy meuna am djemu fepp dëng wax légui conseil bi wa meun nañ japp ne donc en vérité aduna bi ni nek ni yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam rek ñoko nek liñu mëna wax moy dañ nan yalla rek kefe nek manam yalla rek kefe nek dans le sens où lepp lu am ci amu yalla la amé amit mais lepp lu am manam lu yalla amal lepp lu yalla amal dafa am tourum yi ci ay tourum lay fonctionner ak melom ba pare yoy la rang mbir mi manam lolou la rang mbir mom tourum melom la rang mbir yoy yang de de telle sorte que biti aduna bi yeb aduna bi la ay luñu créer la mais bir bi deug borom de la ndax ay tourum ak melom la ñoy feñ à travers lolu et cetera mais amna mais borom manam feñ à travers lolu nak bokul ak mom moy jëmmi lolu yaay dem amna différence entre man yalla mo feñ à travers lo gis ak man yalla mom ci bopam moy jëmmi li may gis amna différence dafa manifesté wu à travers lolu moy buma gisé lolu daf may won ay mbir à travers mbir moma daf may won bokkom dama tay mo né sa way daf ma don fonto mais won na ko sama bop mo né won na hein xolal tay par exemple wala ma tok dal né dali am ben aajo bu jampa affaire bi tiwul ma jek rek am ki ñew rek situation bi décanté wu mané yalla dik na c'est à dire que man manam ya yalla dikna xam nga yalla dikna gogou tekki wul dafa joggi fa la ñew ni mais limi tekki moy dama gis effet wu manam ke ni mom ndegete zahir bi moy li mais mom moy batin mbir mi manam lool moy manifestation manam lool lay tekki mais tekki wul comme parce que amna yenn idée yo xam boko yoré après rek day dem ba nga xamné da nga koy nourolé mindé fami wala nga def ko ki nga non lolou teki wul lolou abadan limi tek moy secret bi mom la lolou lay tek manam batin bi mom la mais du mom moy ki feñ manam du mom moy voilà xam nga parce que ñun ñep que d'ailleurs du l'intérêt ngay soxla yalla sa borom subhanallah di manam tek bopom ne mom kenn la yeen ñep ay jaamum ngeen ak mom rek mom moy wajibul wujudi ñi ci dess waxul ne amuñu mais sauf que mom mo len amal manam lool du l'intérêt ñuy saxal ñoy yeb han ak tan ñi yeb du ñu ay yalla mais man rek ma yalla parce que su doon li yeb yalla lañ kay ci jëm seen jëmi bop kay kon jarul ñuy def différence oh han suñu won né amul manam lolu mo tax yoy dafa ma tax amé légui nak yenen ci bi nak sallalahu alayhi wasallam moy c'est-à-dire que yalla buy feñ à travers lolé ak amal gi mu amal mbir yépp daf ko amalé ci léru sayyiduna muhammad sallalahu alayhi wasallam lolu la de telle sorte que lepp lu am en fait du dara luddul ramification la lu guéné ci matière première bi ñu tuddé haqiqatul muhammadiyya lool mom yeen le rayyan tib sallallahu alayhi wasallam mo fi nek mo nek fepp moy deug li mais sauf que manam lèr gogu tamit sa borom subhanahu wa ta'ala dafa parce que buñuy wax né xam nga en fait il faut ñu revenir à ci benen point c'est dire que ki bi question bi da fay lacc ñu revenir à ci benen point bu essentiel moy jëm gi nga xamné mom moy jëm ju mak moy jëm yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mom moy jëm ju mak sak ci univers bi ci aduna bi ci nekk teef mais du ci nekk teef bi parce que mom yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mo fi nekk manam lima ci djublu moy moy djemu djumat di tekkiwul ne manam dafa nek ni rek après ñi ci dess tamit nek ne mat du lool manam nek ne mat adi du mbir nit demewut nonu kesse mais ni mu deme moy mom moy ki nga xamantene mo angle bi lepp de telle sorte que lepp dafa guéné ci mom mais djemum djodju boko xolé ak djemu di nga xamantene mom moy ki doon dox bir medina manam gané aduna makka bi dox bir medina moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam koku du dara luddul ben meun nañ ni miniature la manam forme la bo xamné miniature la ci jëmum réel bi moy zat bi xam nga ci jotay bi wess wala bi ko jitu ñi ngi doon wax ci né ruhu nit ki boko xolé da fay yor forme ci hakikam day yor forme nit ki ci jëmi bopam motax nit ki bu gënte roxam day gis mu mel exactement comme mom ni mu mel ni ba tax wa diwan bi sax ku ci gën aduna fekk ni nga melam boy ñewat da nga mel non voilà jëm zaat yeenante bi nak sa xam zaat bu ñu wax zaat moy jëm ji moy roxam hakikatan même bu fekkante ne day am melo ni etc lolu ñu haqiqatul muhammadiyya mom la borom bi ñëk créé teranga gi nga xamantene nak mom lañ jox mom adam alayhi salatu wassalam té teranga gogu doomu adam am ko parce que ay doomu adam lañ parce que ay doomu adam lañ comme niko borom bi waxe wala khat ramna bani adam teran nañ doomu adam ay waxul karamna insana wala yoy wala waxul ne nit teral nako wala yoy mais doomu adam. Donc, ce qui veut dire que Adam a des relèves. On est sur cela. Mais, Adam a des relèves, il a des relèves, mi ngi ko amé parce que dafa yor forme rasulullah sallalahu alayhi wasallam manam haqiqatul muhammadiyya hein moy wonur akwan mutakawinatul adami sahih sahih haqq rabbani manam leeru yenen bi sallalahu alayhi wasallam moy leer gi nga xamantene mom la lepp luy am ci mom la amé mais hein aduna bi yepp ñu amal ñi ngi koy amalé mi ngi amé parce que dafa génné ci leeru sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam bo nga xamantene adam yi la forme adamique la exactement d'accord ngay dégg wax légui nak mom mam adam alayhi salam bi mu génné ci mom en fait mom mam adam sa moy bayam ci zahir mais yent tout ça sa moy bayam ci batin yaay rek ndax lan buñ ko laje massa kunt nabiyyan ni kunt nabiyyan wa adam munjadalatun fi tiratihi wa asakara hadith yoy non yu bari yoy ci nek te ñu ci sahihi wa qadis bob sahih bukhari la ne si si si si si si mara yo ma ngi nekkon yena fek mom adama ñi ngi koy defar ci bënitam bi manam ñi ngi koy wadjal diko moy nit ko gumul mi ngi ci digënd na ndox ak ban bayral ma waqtin comme yenen hadith riwaya ni ngi ko wax mi ngi ci digënd na ndox ak ban nak limuy tekki moy bindaguñ ko xam nga tay bu mene keur gi de jamono sangam mi ngi ci digeunte fer ak ciment ak beton ak ndox ak nangam ak dink hein lool moy bindugu defaruñ ko lool lay dégg mais tekki wul ne dañ ko defar mi ba dajale affaire yépp après mat moy dogo wax ne jamono joju lool la tomberon dedet limu bëgg wax rek moy element yi ko composer amagu woon mam adam salam lan lañ ko defal digel ci ndox ak ban lañ ko defal yaa ngi yeral ci nabi sallalahu alayhi wasallam ruh bobu mom dafa existence en tant que haqiqa moy ruham bo xamantene sans borom subhanahu wa ta'ala mom la amal muy ndik ci ndik am mais dafa jëmmi turu yalla yi ak melo yi yep mom yantou sa sam daf ko incarner da nga incarner and ak ne mom adam alayhi salatu wassalam borom subhanahu wa ta'ala da ka xamal manam doomu adama manam mam adama ci bopum ak doomam liko nonu deug deug te mat ñom borom subhanahu wa ta'ala kon li ñi wax nan dafa feñ manam dafa feñ comme d'ailleurs hadith tam ñu ci sahay moy bukhari muslim nak rahmatullah muné khalaqallahu adama ala suratihi yalla dama bind adama ci imageam manam moy ay turum ak melom mom la dajale ci mom adama sallallahu alayhi wasallam donc lolu mais lolu mu dajale ci mom adama lolu en tant que lolu tour yi ak melo yi mais xam xam bi la dajale ci mom no allama adama al asma kullaha xamal nako mais djummi ji nak djummi yamul ci tour yi ni rek comme niko ñen ñi xamé kessé yamul ci melo yi kessé nga xam tane tour yi parce que en fait comme lepp lu am ci tour yalla yi la amé tour yi la mam lañ xamalon mam adam alayhi assalam lepp lu am ci melo yalla yi la am parce que tour yi en fait dañuy tektale ay melo am na ñoo xamné tane nak tour yi rek lañ xam mais duñu xam melo yi ci seen djummi bo ma arama la sal donte xamul no tour yi ak melo yi nga xamantene mom la am donc yi composer mbiri bay tax nangam am parce que buñu né par exemple théorie bi amna dina gis né katanu yalla moko amal kon nga xamné ah yalla al qadir hein al alim ki nga xamné mom moy ki xam lepp mom moko amal kon il faut dafa laj xam et cetera hein amna ay melo yu bari yu dajalo mais nga xam al musawwir manam mo jox mbiri image musawir moy moko jox forme kon da nga xamne ah tour yalla bi nane musawir kat appliquer wu na fi manam lool moy boy gis dara nga gis ci yalla lool lay tek manam moy mo gis ni ah ki de gis na ni al musawwir mo defal gis na manam buma xolé téré bi man musawwir lay gis dama gis al alim dama gis al qadir han dama gis wala al murid ki nga xamne mo nam mbir yi han de et cetera man koku lay gis lolou lay tek ni tekul parce que yalla di manifester wu a travers zatam manam jëmum ci jëmmi bopam parce que lolou bayiwul ñuko am ba bari bariwul ñukoy gis même ci aas billah même subhanallah jëmmi yalla ci bopam zat manam dafa nek lo xamne muqaddasa la munazzaha manam dafa sel manam kenn mënu ko dab kenn yalla motax jëmum en tant que jëm bu ndege day xam yalla du jëm ji la ni xam mais touré ak melo yi la yaangi def yalla kenn du xam jëm ji deug motax kon bu may gis dara ni di gis yalla han bu meena damay gis yalla limi teki moy ay touram ak melom lay gis donc mom non lamay feño ma xolé ben bir kon damay jëm damay gis manam lool la moy al fahm bobu te mom moy wal ma'rifa yexna compréhension bi moy ma'rifa legui nak buma haqiqatul muhammadiyya yannabi sallallahu alayhi wasallam leer am bobu haqiqatul muhammadiyya bobu en fait suma jugge ci ne mam adam alayhi salatu wassalam mom kon da fa guenné parce que mom teranga gi mu amé mi ngi ko amé ci haqqatul muhammadiyya bi mu jël forme mom ba yalla mom rek mu am capacité wu d'ailleurs contenir ruh bi ko yalla def ci mom te moy bi yalla wol ci mom mbobu tamit ruh bobu en réalité djugi du dara ludul ben manam lu jugge ci ruhu yenen ci alayhi salam gis na salatu ala nabi biñu gisone moy nga xamne ruham moy muhrabul arwah manam gis nga biñu gisone ci jotta bi rek ruham yenen ci alayhi salam yenen ruhi ci mom lañ jugge dayer alayhi salam comme yenen minde fi ci mom lañ jugge sallallahu alayhi salam parce que mom yamul comme mom adam salam nga xamne tour yi rek la xam ak mi jëmmi amna la différence entre ma xam tour mbir ak ni mu mel rek parfois ñu mëna ma description bék yoy ma xam ko ak mbir mi ci bopam ma yor ko jëm ji ci bopam amna différence de amna différence entre ma xam jet privé ni mi mel ak tour mi ci bopam ak ma dem ba yor ko man mi sa bop mom ko amna différence ya ngi deg momo imamul busayri radhiyallahu bi wax la ka zatul ulumi zatul ulum min alamil ghaib wa minha li adam al asmar mom adam sallallahu alayhi wasallam mom turi la xaw wa yow jummi sallallahu alayhi wasallam ce qui veut dire que ni kon aduna bi yep du dara ludul lu genné ci haqqatul muhammadin lol mam lima li yep lol la ci doon djublu manam tani haqqatul muhammadiyya kenn mënuko takalé ak touru yalla ak melo yi lol mom motax bu la nexé ngéné yalla rek ka fé nek ak ay touru ma ci melom bu la nexé ngéné haqqatul muhammadiyya rek ka fi né d'accord yéne tou sallam rek ka fi nek ak léram ak lu djugé ci léram parce que lutax parce que haqqatul muhammadiyya do dara lul image yalla manam comme si yalla dafa sétu image am reflété wu ci mom en fait du dara lul lol mais lol limi tek tam mom la doon développer sank wa yaangi deg wa comprendre wa okay limo waxone mom ah voilà exactement ce qui veut dire que ni voilà bu la nexé nga wax li bu la nexé nga wax le mais de toute façon ça revient au même c'est du pareil au même bu la nexé nga ni yalla rek ka fi nek ki touru mi ki melom ak jëfum bu la nexé mais sauf que jëf yi da fay soxlo tour ak melo hmm ngay comme exemple théorie bi ma la jox sa li nga xamné lu mbon bon li meuna ko xam né tourum bu ñuy wax al manam tourum bi ñuy wax al mourid moy ki nam ak melo bi ñu mel té lool day jundju melo bu ñuy wax al irada moy nam feñ na ci man gisse na ko ci téré bi gisse na ci dama ne xam xam parce que ku amul xam xam du meuna défar limi défar il faut nga xam li ngay défar lan la té yalla nim ko défaré dafa rafet rafetay bo xamné ñu xamné amna xam xam ya ñu dégg ah xam nga tamit né yalla moy al muhsin moy rafetal parce que comme ni khalaqa kullu shay wa ahsana wa kullu shay naw nak la wax sax ah ahsana kullu shay khalqa dafa rafet bepp mbir daf ko dafa rafetal nam ko bindé kon nga né yalla day rafetal gogou et cetera de ko ci gis nga gis ci par exemple al itqan manam moy perfection hein donc ci gis comme mi nga xamné non la ko wax hein tamit aqan alladhi aqana kull shay mom nga xamné tane lepp moko def à la perfection nga gis ko ci nga gis né tamit al musawwir parce que comme dafa am forme nga xamné mom moko defat forme bi nga gis et cetera top lol al qadir ndax qudra katan ko amul katan du ma defat yoyu manam yoyu la yaa ngi dégg lii nak selon lène lu ci nek da fay laaj ay tour yi ci nangami tour la ajo li nangami tour ya ngami tour yalla et cetera la ajo pour exister alors que d'ailleurs fofu la doomu adama gëna grawé ñeneen ni parce que mom yalla da fay feñu à travers mom ci ay tourum yu bare bare bare amna yo xamantene ci mom rek la ko feñu ko ci keneen comme par exemple le fait que mu rangal doomu adama liñu wax al al ibda' mo nga xamantene mom mu nekk badi'a xam nga borom soona la moy badi'a sama rada mom mo bind asama lek tousi manam ay al mukhtari' ala ghayri mithal sabiq manam moy kiko sos al insh al munshi al mukhtari' han manam moy kiko sos mom moko defar te amul won exemple avant fum ko tek wala dane etie nagn ko al plan bi nangam wala musulul gis en fait amul luko jitt moy inventer moko inventé lolo invention nit nak da koy def mais sinon kou dul nit manul lol munul du créer lu dess par exemple bo xolé malaka yi par exemple ñom am nañu zahir mais amuñu batin par exemple alors que ñun am nañ zahir ak batin am nañ bir ak bit par exemple parce que yalla feñu na ci ñun ci ñaari côté yépp ak yeneen yo xamantene nit ki moko mo gëna mat ci li yalla bind lo tax même wouté bi borom xoxami du wouté rahmatullah alayhim malaka ak nit ban mo gën wouté ni sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu dafa bo bu ñëk bi dañi lolu question la bo xamantene ñun xamuñu manam amuñu ci alcorane bu leer amuñu ci hadith bu leer kon fega ma dama ñaari bir yoyu amuñu munuñu ci dogu ci ben fek bi mi sara hadith bi hadithu wala non du fofu lako waxe ci fenen lako waxe lolu ci fenen lako waxe mais fi mi sara we hadithu ci hadithu bim na bi yentu bi sallallahu alayhi wasallam moy hadithena abu hurairah radhiyallahu anhu bi nek ñaar sahih nan la yazal abdi yataqarrab dedet nim nan man zakarami fi nafsi zakatuhu fi nafsi wa man zakarami fi mala'in zakatuhu fi mala'in khayrun minhu voilà kuma tuddu ci mbolo ci mom kesse mu tuddu ko man kesse wa kuma tuddu ci mbolo mu tuddu ko ci mbolo bu gën mbolo mom legi kon fofu nonu mahallul khilaf bainal ulama moy lan moy place borom o yuute rahmatullahi alayhi moy kon malaka ak nit ku geul parce que comme yalla dañu buma tuddé ci mbolo moy mbolo nit lay ci carré yalla même tuddu ko ci mbolo mu geul mbolo mu mo don ci carré moy malaka lolo tax gis nga kan mo geul mune ki musna gis sayyidi muhiddin ibn arabi radiyallahu mom fofu nak wala fofu la ko wax mune sayyidi muhiddin ibn arabi radiyallahu musna gis kan ñom ñaar manam musna gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu laaj ko malaka ak nit ku geul munako malaka mo gën munako lan moy boroxaw yi dañ ci wuté mais lan moy dalil bi munako hadith bi malaka mo gën mais yenenti bokku ñu ci dañ leena génné yaa ngi dégg légui c'est Ahmed Tidiane daan dañ li ñi mëna dogu moy dañ nan malaka mo gën waye nit mo gëna mat nité gëna mat parce que malaka de manière générale ñom comme duñu moy yalla ci lu ki lañu nek et cetera ba paré comme hadith bi lu wax kon malaka mom mo gën mais sauf que ci bir nit ñi dafa am ño xamanteni ñom ño gën malaka yi ci bir nit ñi dafa ci am ño xamne ño gën malaka yi et puis selon degré niveau yi comparé tam yenente yi ño gën aqtab yu magi ño gën ño gën malaka yi bo d'ailleurs bo gisse chérie bi tout temps buy wax mom bo ser lol ci digeenti nit ak malaka da ngay gis ne mom insanul kamil lay waxal voilà legui bo xolé ak wala bok nga yegg ci niveau yu kawé moy arif billah yoy mais so xolé par exemple sidi afradi ñom maqama malaikatul muqarrabuna lañ am comme cheikh abdou gaba radhiyallahu ñom ño raw sidi ko ney mais sibi ko ne am nañ malaka yu ñu tollo amna malaka yu len raw moy muqarrabuna ñoo len raw et cetera legi sibi ko non la affaire demé man malaka tanwir mi et cetera manam non la bir bi demé nit ñi tamit non lañu demé mais de manière générale nit mo gëna mat ce qui veut dire que ni mom mën na raw malaka alors que malaka famu ne rek lay nek malaka amul évolution spirituelle. Nous avons fait un peu de temps. Manam en tant que mindef ba pare surtout que nit dafa am lu spécial lu ñeneen ñi amul moy le fait que ñu askano ci adam am adam sallallahu alayhi wasallam bi askano ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci adam gu ko kenn melu benen bi mom moy ruham hein comme ruh man fu xabo mu am nga xamantene ñi ci dess sen ruh yalla da ko bind nonu alors que ruhu malaka ruhu nit yalla da ko wal ci mom donc inna ma wasa'akal kawnu min haythu jismaniyatak wala yasaka min haythu ruhaniyatak kawnu bi dafa mo la gëna reuy bo xolé ce jëm mais bo xolé sa ruh yow ya gëna reuy kawnu bi ndax sa ruh dafa infini dafa absolu قمنا نيوكو إن شاء الله والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين